Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent tant par les ondes FM que par notre plateforme d'écoute via le web, vu que oui, pour ceux qui ne le savent pas, on peut aussi nous écouter en web. Et pour l'édition de ce soir, je l'avais annoncé sur la page Facebook, je l'avais annoncé dans mon émission d'hier soir, je vous fais un petit compte rendu d'un événement, d'une convention à laquelle je me suis rendue le 24 juin. Oui, je sais, ça remonte. Je suis allée à la Geek Unchained de Troyes à Mulhouse. Alors, c'est pas ma première convention cosplay, même sur laquelle je fais des émissions. Donc, je pense que vous avez l'habitude du concept. Il y a des gens qui se costument et qui incarnent le personnage dans lequel ils sont costumés. Donc, il y a eu plein de choses hein, dans cet événement. Des concours de cosplay, il y avait des concours de jeux vidéo, il y avait des rencontres avec des personnages plus ou moins connus dans la sphère du jeu vidéo. Beaucoup de stands divers et variés. Tellement que c'était un petit peu difficile de faire un choix, mais j'ai fait quelques interviews pour vous, et d'ailleurs je ne suis même pas la seule à avoir fait des interviews cette journée-là. Et non, Malou, notre communicante féministe qui intervient de temps en temps à l'antenne, a voulu faire deux interviews. Vous allez le remarquer, on n'a pas la même voix, mais je pense que je vais quand même mettre un petit Malou. Que vous sachiez que c'est elle qui fait l'interview. Et comme je vous le disais, comme d'habitude dans ce genre d'émission thématique, il y a forcément, juste avant l'interview en question, une petite musique thématique qui peut vous donner un petit indice sur l'univers de la personne interviewée. Je ne retiens pas plus longtemps et on se retrouve à la fin, après toutes ces interviews et tous ces morceaux de musique, pour la conclusion. Thank you. parmi les nombreux stands qu'il y a à la Geek Unchained de Troyes à Mulhouse le week-end du 23 et 24 juin, je me suis trouvée face à un stand de statuettes, mais pas n'importe quoi comme statuettes, des statuettes en papier. Et j'ai Julien de Paper Model en face de moi. Bonjour Julien. Bonjour. Alors dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ces figurines en papier ? Ça va faire environ 15 ans. Enfin, 15 ans que j'ai commencé à faire ces figurines-là. Je m'étais lancé au début dans les maquettes traditionnelles, plastique, résine, et je suis tombé sur le papier. Et après, en même temps, en faisant mes recherches, je suis tombé sur les figurines. Et depuis, je cherche qui existe sur Internet. Et là, depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire mes figurines perso, où là, je récupère les fichiers 3D et je fais les figurines après en fonction. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, donc tu as commencé d'abord par des figurines en bois, et surtout en résine, excuse-moi. Et qu'est-ce qui a fait ensuite qu'avec le temps que tu glisses vers le papier ? J'ai trouvé sur un site, ils vendaient une maquette en papier, je me suis posé la question de savoir ce que c'était, et je l'ai commandé, et depuis, je continue à faire ça. Et qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça change de passer par le papier, ou quels avantages ça a ? Les avantages, c'est que pour commencer, l'investissement est faible. Il n'y a pas un gros investissement, on a tous une imprimante, une paire de ciseaux, de la colle à la maison. Après, il y a la peinture qui est déjà faite. Mais après, c'est le défi, parce que c'est plus compliqué de faire une figurine en papier que de la faire en résine et de la peindre. Et en quoi c'est plus compliqué ? Sur une figurine en résine, on a déjà la forme qui est faite, donc il y a juste la peinture. Et sur le papier, il faut tout découper et mettre en forme. Et ça, des fois, on réfléchit plus d'une fois avant de savoir comment faire la figurine. Oui, parce que c'est quand même assez technique. En plus, le papier, c'est très fragile. Et je vois, le stand que tu as plusieurs figurines. Est-ce que c'est la totalité de ta collection ? Les figurines que j'ai sur le stand, oui, c'est là, j'ai toutes les figurines que j'ai. Après, j'ai d'autres modèles, mais qui sont pas faits pour une convention, qui sont plus faits pour les expos de maquettes traditionnelles. Et là, c'est encore des bateaux ou des blindés qu'on peut faire en papier aussi. Ah oui, donc d'après ce que j'ai compris, tu fais pas non plus que des personnages de jeux vidéo, tu es là pour des personnages de jeux vidéo. D'ailleurs, je t'avais vu à la Japan Addict Z Ghibli Special Ghibli à Strasbourg. Ça s'était bien passé là-bas ? Ouais, c'était une bonne convention, comme elle est pas loin de chez moi, donc c'est plus près, c'est plus pratique. Et donc ici, tu es à Mulhouse pour ce week-end, ça se passe bien aussi ? L'accueil est bon par le public ? C'est un très bon accueil, parce que les gens sont intéressés, ils posent beaucoup de questions. Et je rencontre souvent les mêmes visiteurs où je leur ai expliqué et des fois ils me montrent ce qu'ils ont réalisé ou grâce aux techniques je leur ai dit ce qu'ils ont réussi à faire. Et d'ailleurs dis-moi donc si tu es ici c'est parce que tu as des personnages de jeux vidéo. Une question que les auditeurs peuvent légitimement se poser, est-ce que tu as joué à tous les jeux vidéo des personnages dont tu as fait les figurines ? Non, j'ai pas joué aux jeux vidéo. Il y en a, je les ai connus grâce aux figurines. Genre Odin Sphere, je le connaissais pas du tout. Et c'est avec les visiteurs qui me demandaient si j'allais jouer. Et c'est là que j'ai fait des recherches pour voir ce que c'était ce jeu. Et quelle est ta figurine geek préférée ? Alors là, c'est des figurines de League of Legends. Là, c'est Miss Fortune, où j'essaye de faire à peu près tous les skins qui existent. Là, j'en ai deux pour l'instant. J'en ai une troisième en cours, qui sera la version Mafia. Et d'ailleurs, j'y pense, qui dit passion dit temps, parce que j'imagine que c'est ta passion. Généralement, faire une figurine, ça demande combien de temps ? Alors, une figurine ou les modèles qu'on trouve sur Internet, en règle générale, je mets entre 30 et 50 heures. Et après, les modèles que je crée moi-même, là, je suis à plus d'une centaine d'heures. Parce qu'il y a autant de temps à passer sur l'ordinateur qu'à la création derrière. Et dis-moi, si un auditeur a peut-être envie de voir ce que tu fais, où est-ce qu'il peut trouver ton travail, pardon ? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Julien Paper Model. Il peut me trouver dessus et m'envoyer un mail où j'ai mis toutes mes coordonnées dessus. Écoute, merci beaucoup Julien pour ta contribution. Et puis, on mettra de toute façon ta page Facebook sur la nôtre, comme les auditeurs ont l'habitude. Merci. Merci à vous. Thank you. petite interview faite par Malou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ici à la Geek Unchained à Mulhouse ce dimanche 24 juin. Et je suis en présence aujourd'hui de Siphano. Bonjour Siphano. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux expliquer à notre public ce que tu fais ? Je fais des vidéos sur Internet que je poste sur YouTube, principalement axées jeux vidéo, mais pas que. Mais ça reste le cœur de mon audience, on va dire. D'accord. Comment t'es venue cette idée de travailler sur les jeux vidéo et surtout sur cette plateforme de montrer ce que tu fais aux autres ? En fait, lorsque j'ai démarré, il y avait pas mal de gens, notamment du côté de la communauté américaine, qui faisaient ça. Et du coup, j'étais sur une période où je faisais mes études, j'avais pas mal de temps libre. Et donc, j'ai voulu essayer au départ pour m'amuser. Et puis, ça a bien pris et un jour, c'est devenu mon métier. D'accord. Du coup, en parlant de tes études, pourquoi, enfin, tu as étudié pour être dans quelle branche ? Alors, ça avait rien à voir avec, avec YouTube actuellement, c'était dans l'économie. Voilà, j'ai juste suivi mon parcours par rapport à mon bac, j'ai fait un bac ES et derrière, je suis parti dans l'économie. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Du coup, est-ce que cette filière t'a permis d'avoir certaines notions qui t'aident encore de nos jours sur YouTube ? Honnêtement, je sais pas. Peut-être... très très rapidement, on va dire, quand il a fallu commencer à être à son compte, à gérer sa comptabilité, etc. On va dire que je savais un petit peu comment déjà tout ça fonctionnait rapidement, mais après c'est très minime, je pense. Il n'y a pas besoin d'avoir eu des études dans ce domaine pour faire ce que je fais. D'accord. Et comment est-ce que tu vois ton avenir sur YouTube ? Est-ce que tu te vois continuer ça ou est-ce que tu penses un jour que tu arrêteras, que tu changeras peut-être de domaine ou... Alors, pour l'instant, c'est pas prévu que j'arrête. Maintenant, d'ici 5 à 10 ans, j'en sais rien, peut-être que je me serai reconverti. Après, on a la chance d'être dans un domaine où on a fait énormément de rencontres et on a énormément de contacts. Donc je pense que tout ça, ça me permettra, si un jour je veux changer de voie, de me réorienter directement à travers ces personnes, via différents projets. D'accord. Dis-moi s'il y a des abonnés qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? J'aimerais les remercier parce que ça fait 8 ans que je fais ça et 8 ans qu'ils sont toujours là, qu'ils ne me lâchent pas, qu'il y a toujours beaucoup de gens qui viennent me voir en convention, donc je suis très content et j'ai la chance de faire un métier qui est une passion au départ, donc c'est vraiment génial. Et voilà, et ça je le dois à eux, donc je les remercie. Ok, eh bien je te remercie beaucoup pour ton intervention. Bah, pas de soucis, merci beaucoup. Quand on parle de monde imaginaire, hein, vu que bien entendu je suis à une convention cosplay, on parle bien entendu d'artistes et d'illustrateurs. J'ai en face de moi Sung du collectif Yellow is the New Black. Bonjour Sung. Bonjour. Alors avant de parler de toi, on va parler d'abord de ton collectif. Alors collectif Yellow is the New Black, est-ce que tu sais pourquoi ils portent ce nom-là ? Alors, ça va être un petit peu raciste, mais parce qu'on est deux Asiatiques et un métis. Et voilà, c'est tout. Ah bah écoute, après tout, c'est marrant et c'est pioché sur la série Orange is the New Black, si je me trompe pas. C'est bien ça. Parce que ça fait combien de temps qu'il existe ce collectif ? Oula, le collectif est très récent. Ça fait que un an qu'il existe. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on se côtoie. Et l'année dernière, on s'est dit qu'on allait se bouger un peu plus pour faire quelque chose ensemble. Et donc, comme je l'ai bien compris, c'est un collectif d'artistes, plus précisément d'illustrateurs. Et vous faites quoi spécialement ? Vous faites dans la culture pop, le manga ? Alors, on a chacun un peu notre spécialité, entre Chris qui est plus dans le réalisme, Nico qui va être plus dans un style pop art graph, et moi qui est plus dans un univers comics. Après, on a beaucoup de points communs sur le. Enfin, on partage les mêmes goûts au niveau des univers. Et du coup, on a essayé de. Enfin, on va tenter de sortir un recueil d'histoire avec une ligne directrice, un thème principal pour le collectif, et chacun va mettre son style dedans. Ah oui, et dans ce collectif d'ailleurs, vous êtes combien ? Vous êtes seulement trois ? On est trois, oui, pour le moment. Oui, parce que qui sait, ça peut toujours évoluer. Ce collectif, il se trouve où ? Il est alsacien ou d'une autre région ? Il est alsacien, on est basé sur Colmar. Et voilà, moi après j'habite sur Strasbourg, mais à la base je suis de Colmar. Et on est aussi tous les trois membres de l'association L'Esprit BD à Colmar qui organise le festival de BD. Et c'est en fait c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Et dis-moi, toi, vu qu'on va parler de toi, après tout, tu es dessinateur, illustrateur, ça fait combien de temps ? Oula, moi ça fait plusieurs années, ça fait au moins 10 ans. 10 ans que je suis dessinateur amateur. Ça fait presque 6 ans que je suis graphiste indépendant. J'ai travaillé dans plusieurs domaines, dans le motion design, le vidéo mapping. Et là, ça fait quelques années où je reviens un peu plus sur l'illustration. Et comme tu as dit, tu es plus dans le dessin de comics. Pourquoi ? Est-ce que c'est un petit peu l'univers qui te correspond le plus ? C'est ce qui correspond le plus à mon style de dessin, et c'est aussi par ça que j'ai commencé. Les premiers bouquins BD que j'ai achetés, c'était un comics de Spider-Man, et voilà. Mais depuis, j'ai jamais lâché l'affaire. Après, je lis d'autres choses, je lis des BD franco-belges, du manga, mais ma grande passion, c'est que ça reste le comics. Et quand on dit comics, on dit personnage iconique, c'est lequel ton héros à toi ? À Deadpool, sans hésiter Deadpool. Ah bah en plus t'es servi, il y en a plusieurs sur la convention, on ira peut-être en interviewer un tout à l'heure. Et dis-moi, pour un auditeur qui a peut-être envie de voir ton travail ou de trouver le collectif Yellow is the New Black, c'est par où que ça se passe ? Alors, pour trouver ma page pro, vous pouvez aller sur Facebook en cherchant Sumfan Singara CG Artist. Et pour le collectif, ça fait partie des choses que je devrais faire, que je n'ai pas encore fait, c'est créer une page Facebook et un site internet. Quand voilà. Ce sera fait, je pense qu'on le saura et on l'indiquera sur la page de la radio. Et dis-moi une dernière chose, si un auditeur hésite un petit peu à se lancer dans sa passion, tu aurais un petit mot à lui dire en particulier ? Qu'il ne faut pas hésiter. Si quand il se lève, il a envie de dessiner, quand il doit noter ses cours, il dessine à la place, il fait des petits bruits sur les bas de page, il faut juste se lancer. Et s'il aime ça, de toute façon, il trouvera la motivation pour dessiner tous les jours. Bah écoute, merci beaucoup, Sung, pour ta contribution et bon courage encore sur la convention. Merci à toi. Thank you. petite interview faite par Malou. Bonjour, me revoilà encore à la Geek & Chain d'Amulhouse. Je suis accompagnée maintenant d'une cosplayeuse avec un costume très intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être te présenter ? Je m'appelle Sandra. Ma page cosplay, c'est Sirimiga. Et là, j'ai cosplay un personnage totalement créé. C'est un léopard des neiges, chaman des forêts. Effectivement, c'est un mélange très intéressant et je trouve que le cocktail marche bien. Alors, dis-moi, comment t'es venue cette passion pour les cosplays ? En fin de compte, je suis quelqu'un qui aime bien créer. Je fais beaucoup de choses à la maison, je fais de la couture, de la création, par exemple pour embellir les pots de fleurs à ma mère. Et je suis tombée dessus par pur hasard en allant une fois au Basel Fantasy à Bâle. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique que je me suis dit, pourquoi pas m'y mettre aussi ? Et pourquoi pas faire mes propres créations, varier les plaisirs et... Effectivement, c'est un parcours assez intéressant. Dis-moi, à part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à côté ? Alors là, pour l'instant, je suis à la recherche de travail, malheureusement. Sinon, à côté, j'essaye de faire pas mal de choses, comme sortir, me promener. Avec mon copain, on voyage beaucoup. On essaye de profiter au maximum, vu qu'on a une belle région. Hein. Mais sinon, c'est vrai qu'à côté, je fais pas trop d'autres choses que vraiment le cosplay. C'est... Vu que lui, il fait de la photographie. Moi, je fais du cosplay à côté, donc c'est vraiment ça, un peu notre passe-temps. Effectivement. Dis-moi, dans tout ce qui est univers manga, cosplay, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu préfères là-dedans ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans tout cet univers ? Réellement, c'est la créativité. On peut se permettre de créer, de vraiment être autre chose que ce qu'on nous demande vraiment d'être dans la société. Ça veut dire qu'on peut vraiment être dans la fantaisie, se faire plaisir sans que les gens nous jugent. Bon, il y a toujours un petit peu, ça arrive toujours. Hein. Mais on peut se permettre vraiment plus de se laisser aller, on va dire, de pouvoir faire ce qu'on veut. Super, et dis-moi, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui peut-être ont envie de se lancer dans le cosplay ou dans tout cet univers ? Surtout de se faire plaisir. Il ne faut pas vouloir faire ce que les autres veulent qu'on fasse. Parce qu'on voit de plus en plus dans le cosplay, moi j'aimerais bien que tu me fasses, genre que tu t'habilles pareil que moi. Non, il faut vraiment que ça nous plaise. L'essentiel c'est de s'amuser et de se plaire à soi-même parce que après les gens ils sont toujours à critiquer, t'as pas fait ci, t'as pas bien fait ça. Faut pas trop se prendre la tête avec ça. Faut vraiment se faire plaisir et vraiment s'amuser là-dedans. D'accord, et dis-moi, le cosplay que tu as fait là aujourd'hui, il t'a pris combien d'heures de travail ? Alors celui-là m'a pris quand même pas mal d'heures. Si je rajoute tout ensemble, ça doit bien faire 2 semaines de travail, mais vraiment non-stop. Hein. Mais je l'ai éparpillé sur plusieurs mois, ça fait depuis début janvier que je l'ai commencé. Mais après, si vraiment on met heure par heure, je dirais 2 semaines à peu près. Rien que la queue qui prend... La queue m'a pris 75 heures de travail parce que c'est que de la couture à la main vu que c'est de la fourrure. On peut pas se permettre d'utiliser une machine à coudre. Eh bien, en tout cas, le résultat est plutôt fascinant. Je te remercie beaucoup. Merci à vous aussi, ça me fait beaucoup plaisir. à la convention Geek Unchained, donc convention de cosplay, forcément cosplay spécial Japon, comme tout le monde le sait, hein, comme on commence à être habitué au cosplay à Radio Gemozo. J'ai trouvé un stand aussi que je ne m'attendais pas trop à voir, un stand de déco. Et j'ai Siana en face de moi. Bonjour Siana. Bonjour. Alors dis-moi, la déco, ça fait combien de temps que tu en fais ? La déco, bah, ça fait 2 ans que j'ai fini mes études en décoration d'intérieur et que du coup, je suis dans ce domaine-là. Ah bah félicitations. Donc, t'as toujours voulu faire de la déco ? Je le sais à peu près depuis mes 10 ans. Et du coup, bah, je me suis lancée dans ces études-là. J'ai fait aussi une option art plastique au lycée, du coup, pour déjà exprimer ma créativité. Et puis ensuite, je me suis lancée après mon bac dans la décoration d'intérieur. Et oui, comme tu l'as dit, tu fais des études. C'est quoi ton parcours exact ? Donc, j'ai fait un bac S avec l'option art plastique. Ensuite, j'ai fait une année préparatoire donc sur Strasbourg à la MJM Graphic Design. Et je me suis spécialisée ensuite sur 2 ans dans la décoration d'intérieur. Et c'est ainsi que tu as débouché sur le métier de décoratrice d'intérieur. Tu t'es tout de suite lancée dans l'auto-entrepreneuriat parce que je crois que tu es auto-entrepreneur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors non, après mes études, j'ai d'abord travaillé chez Maison du Monde pendant quasiment 1 an. Ensuite, quelques mois chez Ikea. Et là, c'est tout neuf. Je me suis lancée à mon compte. Ah, félicitations. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? Bah là, ça date de la semaine dernière, en fait. Ah oui, donc c'est tout frais, tu commences tout juste ton activité. Pourquoi t'être décidé de faire ta propre activité ? Bah en fait, du coup, j'ai travaillé dans la décoration, dans des magasins de décoration d'intérieur. Ça me plaisait, mais il me manquait encore le relationnel direct avec le client et vraiment le conseil personnalisé à leur intérieur. Et en parlant aussi de conseils personnalisés à ton intérieur, j'ai vu que tu as un peu une chambre Dragon Ball Z, et forcément tu as une chambre Totoro, les auditeurs savent que j'adore Totoro. Tu as décidé aussi de faire quelque chose plus dans l'art, les personnages japonais ? Bah du coup je me suis adaptée à la convention, j'ai fait quelques projets en rapport avec l'univers manga japonais, et je suis aussi une fan de Totoro, donc c'était l'occasion pour moi de m'éclater aussi. Et Dragon Ball Z, je connaissais un petit peu l'univers et du coup je me suis aussi lancée dans ça. J'ai également fait un salon Doctor Who et une chambre d'enfant Alice au Pays des Merveilles. Ah, et tu as déjà, comme tu viens de lancer ton activité, tu as déjà commencé à faire des pièces, des chambres ? J'ai déjà fait une chambre pour un couple qui m'ont d'ailleurs recontacté pour refaire leur salon salle à manger. Donc ce projet est en cours. Et également un salon salle à manger chez une autre personne. Une cuisine également, j'ai déjà réalisé. Et encore un salon. Ah, donc ça marche bien. Et ici, au niveau de l'accueil du public, tu es assez satisfaite de l'accueil que tu as ? Oui, j'ai pas mal de bons retours. Et même le stand attire. Et ils sont très intéressés de savoir tout ce que je peux proposer. Oui, donc c'est sympa. Dis-moi si tu as peut-être un conseil à donner pour un auditeur qui hésite un petit peu à se lancer dans sa passion. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est quand même quelque chose que tu aimes depuis tes 10 ans. C'est littéralement une passion. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui a un petit peu peur de se jeter à l'eau ? Bah, je pense qu'il faut justement un peu surmonter cette peur. J'étais très timide quand j'étais petite et à force d'entraînement, ça s'est volatilisé petit à petit. Et il faut vraiment croire en ses rêves et faire tout ce qu'on peut pour y arriver. En effet, il faut faire tout ce qu'on peut. Et si un auditeur a peut-être envie de savoir un petit peu quel est ton univers, ce que tu fais ou même où te trouver, par où est-ce qu'il faut qu'il y passe ? Alors j'ai une page internet où on peut retrouver tous mes projets et également une page Facebook où je mets régulièrement des actualités et des liens vers ma page internet. Eh bien écoute, merci beaucoup Siena, je pense qu'on a toutes les infos, sauf si tu as quelque chose encore à rajouter que j'ai oublié de te demander. Non, écoutez, ça sera très bien. Merci pour tout. Merci Siena, au revoir. Au revoir. chose promise, chose due. Ça y est, j'ai attrapé un Deadpool au vol. Et puis, ben, te voilà, Deadpool, en face de moi. Donc, bonjour, Deadpool. Bonjour à tous. Et dis-moi, donc, bah, on va commencer par le début. Tu es cosplayer ici à la Geek Unchained 3. Ça fait longtemps que tu fais du cosplay ? Alors, bah, je vous annonce que ça fait un tout petit peu plus d'un an, mais je viens de fêter mon anniversaire cosplay il y a quelques temps, le 10 juin. Donc voilà, je suis très content de ma petite aventure pour l'instant et j'espère que je continuerai encore plusieurs années. Bah, j'espère pour toi, déjà joyeux anniversaire cosplay. Et en un an, tu en as fait beaucoup des personnages différents ? Alors non, en fait, j'ai eu la particularité de commencer par Deadpool et de faire que Deadpool en fait. Parce que c'est vraiment un personnage qui me plaît. Et en fait, contrairement à ce que les gens peuvent penser, je joue aucun rôle. Je suis plus moi-même avec le costume de Deadpool que dans la vraie vie tous les jours, quoi. Et du coup, bah, ça me libère de pouvoir être moi-même le temps d'un week-end en fait. Ah oui, donc le cosplay, ça te permet d'être encore plus toi-même que dans la vraie vie. Oui, complètement. C'est, je suis plus du style à toujours rigoler, voilà, à faire des blagues un peu potaches, pas toujours drôles, mais surtout bon, tous les types d'humour en fait. J'adore l'humour. Alors ça peut être de l'humour noir, raciste. Franchement, je suis sur tous les types d'humour. Moi, ça me fait marrer parce que justement, ça reste le principe de l'humour. Et ben, dans la vraie vie, malheureusement, il y a des propos qu'on ne peut pas avoir. Et tout ça, ben, je suis obligé d'un peu de réfréner ce côté-là de ma personnalité qui, du coup, me fait jouer un rôle au quotidien, en fait. Ah oui, donc c'est en étant Deadpool qui est un personnage très, très exacerbé pour ceux qui connaissent, là où ça te permet vraiment d'être plus toi. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as choisi d'incarner Deadpool ? Alors, c'est en partie pour cette raison. Et c'est aussi parce que ben, j'avais vécu ma toute première convention en civil. Et au moment de voir deux Deadpool qui s'éclataient comme pas possible dans la convention, ils faisaient les cons partout, enfin, c'était super drôle à voir. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait peut-être que je pense à faire Deadpool en cosplay. Et je connaissais pas tant le personnage que ça, j'avais découvert avec le film, mais ça reste autre chose par rapport au personnage des comics. Et bah, je m'y suis mis même encore assez récemment aux comics et tout ça, donc plus j'apprends sur le personnage et plus j'aime, quoi. Et d'ailleurs, oui, donc tu as fait uniquement des cosplays de Deadpool, mais en un an, tu as fait beaucoup de conventions ? Alors, bah, j'ai dû compter pour mon anniversaire, parce que c'était un petit chiffre intéressant que je trouvais que c'était, oui, c'était bien à partager pour ma page. J'ai fait en tout 19 événements, donc ça comprend les conventions, il y en a pas mal, c'est une grosse partie des conventions. Ça comprend des sorties cosplay qui ont été organisées notamment sur Strasbourg par l'association Kakemono. Et il y avait également bah, des petites avant-premières cinéma ou des petits événements comme ça qu'on ne peut pas vraiment catégoriser, quoi. Donc ça te permet aussi de sortir, parce que d'après ce que j'ai déjà compris au fil de mes nombreuses conventions, les cosplayers, c'est quand même une espèce de grande famille, une grande bande d'amis, non ? Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est un peu les bruits de couloir, comme on dit, mais il peut néanmoins y avoir quelques, entre guillemets, rivalités, je dirais. C'est jamais rien de bien méchant, de toute manière. Je pars du principe que si on n'aime pas quelqu'un, on ne lui parle pas. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher exprès les embrouilles. Mais ce serait trop naïf de dire que c'est un monde où tout le monde s'entend bien, où on est tous une grande famille, où on s'aime tous. Non, malheureusement, c'est pas comme ça. Mais c'est quand même assez intéressant parce qu'on rencontre énormément de personnes. Et ce qui est génial, en fait, c'est de se dire qu'on vient en convention et que le contact est hyper facile parce que les gens viennent pour les mêmes raisons que nous. On partage tous les mêmes passions au niveau des univers et tout ça. Donc voilà, on sait qu'on peut aller vers quelqu'un sans se soucier de savoir s'il aime bien telle ou telle chose. Sinon, il serait pas là s'il aimait pas, quoi, en fait. Donc oui, ça facilite grandement le contact. Et ben, mon ami Spidey qui a commencé cette toute première convention aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, et donc c'est son tout premier cosplay aussi, et il adore, en fait, il adore le contact, le fait que ce soit aussi simple et tout. C'est vrai que ça aide à sociabiliser, et puis ben, pour les introvertis un peu comme moi, ça aide à sortir, justement, de faire des événements, de faire des choses. On se pousse à sortir et au final on sait que c'est pas une plaie, quoi. On se force pas, on se pousse à sortir. Mais il y a une différence pour moi, une nuance. Mais bon, c'est vrai qu'au final, une fois qu'on est dedans, on n'a plus qu'à kiffer, et puis voilà, quoi. C'est le plus important. Et d'ailleurs, dis-moi, c'est vrai que quand on parle de cosplay, tu as parlé de bruit de couloir. Dans les bruits de couloir, c'est que la majeure partie du temps, les cosplays sont faits main. Est-ce que c'est le cas du tien ? Alors, pas du tout. Donc, mon cosplay, moi, en fait, je l'ai acheté sur... il est fait main, certes, mais pas par moi. pour ma part, je l'ai acheté sur Etsy. Donc, il y a un site assez connu où c'est plutôt des artisans qui vont proposer des services et qui vont faire les costumes à la main et sur mesure. Donc, moi, c'est mon cas. Comme je précisais, c'est un acquis assez récent au niveau de... Au niveau de mon cosplay, c'est la toute première fois que je le porte. Et donc ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On met beaucoup en avant les cosplays faits main, mais c'est un peu au détriment des autres, quoi. Et c'est un peu dommage, voilà. C'est un peu dommage, comme tu le dis, vu qu'après tout, on n'a pas forcément besoin d'être hyper doué en couture pour avoir envie de s'amuser dans la peau d'un personnage qu'on aimerait incarner. Et d'ailleurs, dis-moi, j'ai vu que tu étais avec une petite bande. Est-ce que tu fais partie d'une association de cosplayers ? Alors oui, tout à fait. On a une association donc, qui s'appelle l'association Cosplay League. J'ai trouvé le nom. fallait préciser. Et donc, on est une toute petite association qui vient... je dirais pas tout juste de débuter parce que ça fait déjà quelques mois qu'on est créé officiellement, mais on est encore en plein recrutement, on est encore en train de faire des repérages pour certaines conventions pour plutôt avoir notre stand les années prochaines et préparer un peu tout ça au fur et à mesure, quoi. Et donc cette association de cosplay, elle a un credo en particulier ? Alors en fait, nous, le but de l'association, c'est de changer un peu la vision du cosplay qu'on a aujourd'hui, parce que les associations qui existent déjà, elles mettent souvent en avant le côté concours cosplay, le côté très compétition du cosplay, et en fait, c'est pareil, ça reste toujours au détriment d'autres choses, et là, en l'occurrence, c'est au détriment du côté fun du cosplay, qui se perd totalement dans cette masse de concours, de machins, de trucs, et nous, on veut promouvoir justement ce côté fun, et profiter, pourquoi pas, faire dans le futur des événements hors convention. Je pensais notamment à une photographe qui nous avait proposé de faire des shootings photos en cosplay, mais dans des situations de la vie de tous les jours. Alors ce que je trouve génial dans l'idée, c'est que je m'imagine bien un Deadpool faire ses courses au Leclerc ou vraiment un des trucs vraiment la vie quotidienne, quoi, mais en cosplay. Et ça aiderait justement à faire découvrir à des gens qui vont pas en convention, ça aiderait à leur faire découvrir le cosplay tel que nous on le voit, quoi. Ça peut en effet les aider, et si tu peux peut-être aider les auditeurs à en savoir plus sur toi et sur ta Cosplay League, sur quelle page Facebook on peut vous trouver ? Alors donc moi j'ai ma page Facebook personnelle, donc c'est Deadpool, mais c'est écrit pool comme une poule, P-O-U-L-E, voilà. Et sinon on a la page de l'association, donc Association Cosplay League sur Facebook, et on est aussi présent sur Instagram, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Deadpool de m'avoir accordé ton temps. Je te remercie infiniment, c'était très sympa. Thank you. Ah, ça y est, vous l'avez entendu, le générique a débuté. Donc ça va déjà être le moment de se dire au revoir. Et qui dit moment de se dire au revoir, dit comme d'habitude programmation de la soirée et du lendemain matin. Alors on est le mercredi, et bien musique jusqu'à demain matin pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Donc jeudi 29 novembre de 7h à 8h. Pour ceux qui veulent retrouver l'émission, elle sera en podcast sur notre page Facebook Radio Guémozo, sur notre site internet radioguémozo.eu, rubrique émission et rediffusion puis l'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone et tablette. Tout fonctionne, ne vous inquiétez pas. Demain, ce sera jeudi. À 8h, ce sera la chronique de Michel, puis à 8h30, la matinale de Marion, qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et on se retrouve demain soir, 18h-19h, pour le dernier direct de la semaine, avec l'association MC Connection, qui veut mettre en avant son artiste Drex. Vous savez, comme d'habitude, MC Connection, c'est dans le rap. Donc, amateurs du rap game, soyez présents à l'antenne. Et n'hésitez pas, si vous le voulez, à réagir avec nous. Donc, au 03 29 62 40 40 ou via notre page Facebook Radio Guémozo. En espérant que cette émission vous ait plu, je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Et on se retrouve demain, même heure, sur le 107. Bonne soirée à tous!